nous arrose de ta douce présence. Tu déposes sur nous des couronnes d'or, tu nous appelles mon plaisir. Tu déposes sur nous des couronnes d'or, tu nous appelles mon plaisir. Alors nos yeux s'ouvrent. Tu t'inventons de gloire. des milliers d'anges dansent autour de toi. Élève la bannière de ta royauté. Et ton regard sur nous se pose.